RDL 103.5 Mercredi 10h-11h Musique. Bonjour à tous, bienvenue sur RDL. Il est 10h, nous sommes bien mercredi et vous êtes bien sur le 103.5 dans tout le centre Alsace. C'est l'émission Musique, c'est Yann qui vous parle actuellement et que j'ai le plaisir de vous présenter cette émission. On va évidemment écouter ensemble des grands standards, des grands classiques, de grandes chansons d'hier à aujourd'hui. On les découpe, vous le savez maintenant, si vous écoutez depuis le début, en décennies, des décennies 1960 à 2000. 10 et on fait pas seulement les écouter, on les explique également, on les décrit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces chansons? Quelle est leur histoire, leur origine? Comment sont-elles nées? Que racontent-elles? Et comment traduire les paroles en langue étrangère? Vous êtes bien sur RDL, bienvenue à vous. Voici tout de suite le sommaire et on commencera cette émission dans quelques instants avec la célèbre chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas, qui ne date pas exactement des années 60 mais de 1959, allez, à une année près. Et puis ce sera Bob Marley qui entrera en scène avec No Woman No Cry, ça date de 1974. On reviendra à du français, le temps d'une chanson pour Le Temps Va Pas d'Elsa, le poignant Temps Va Pas d'Elsa qui date de 1986. Et puis ce sera One de U2, ça date de 92. Bad Woman, on enchaînera, et oui, avec Lady Gaga, 2009. Et puis on terminera cette émission avec Vianney qui chantait en 2014, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, la célèbre chanson Pala. Mais nous sommes bel et bien là, ensemble, pendant une heure, de 10h à 11h, sur RDL, dans le 103.5, et on va sans plus attendre commencer cette chanson, cette émission, pardon, avec Ne me quitte pas, vous le savez, c'est de Jacques Brel. La chanson est sortie en 1959, c'est le premier single du quatrième album de l'artiste, intitulé La valse a mis le temps, et c'est Jacques Brel lui-même, en fait, on entre directement dans le vif du sujet, qui écrit la chanson. Il s'inspire de son histoire d'amour avec une jeune actrice et chanteuse de 23 ans à l'époque, au moment de sa rencontre en 1955. Elle s'appelle Suzanne Gabriello et elle est surnommée Zizou. Bien avant, évidemment, vous l'aurez compris, Zinedine Zidane. Elle est la fille d'un célèbre chansonnier et acteur de cinéma. Elle est aussi présentatrice dans les spectacles de l'Olympia. Elle aidera son compagnon à s'y faire une place. D'ailleurs, autre que celle de supplément de programme, hein, comme il l'a été à ses débuts. Et il s'y produit même, Brel, en 1958. Il vole même la vedette à la grande star de l'époque qui s'appelle Philippe Clay. Alors, leur histoire d'amour, elle dura 3 ans, hein, entre Zizou, si je puis dire, Suzanne Gabriello et Jacques Brel, hein, jusqu'en 1958, lorsque Brel, un brin marié quand même, mais oui, depuis 1950, refuse de quitter sa femme pour elle. Et c'est lui, pour une fois, qui se sépare d'elle. Et ça lui inspire une chanson dès sa tournée d'été en août 1958. Et l'intro de la chanson que vous allez entendre dans quelques instants, eh bien, ça s'inspire d'un titre de Maurice Ravel, je ne vous dis pas lequel, il est suffisamment connu pour le découvrir, pour le reconnaître. Et puis les premières phrases de la chanson, eh bien, en réalité, elles ont été écrites sur une petite table pliante qu'il utilisait dans sa voiture. Et puis, c'est lors d'un spectacle de sa tournée d'été à Canet qu'il demande en fait à son pianiste Gérard Joanet de les mettre en musique. Et c'est de là que vient donc Ne me quitte pas. Sauf qu'au départ, c'est pas du tout Brel qui voulait, qui devait la chanter. Lui, en tout cas, ne le voulait pas. Il ne souhaitait pas. Il confiait plutôt la confier à une femme. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est exactement ce qu'Edith Piaf disait de cette chanson plus tard, hein, lors de sa sortie. C'est pas une chanson de mec, c'est plutôt une chanson de femme. Et l'une d'elles, d'ailleurs, Suzanne Langlois, enregistre la chanson en janvier 1959. Mais bon, ça a pas été un énorme succès. En tout cas, c'est pas resté dans nos mémoires puisque 9 mois plus tard, Brel l'enregistre finalement, il l'a bien fait, hein, on va pas se mentir, le succès est même immédiat, surtout sur scène, avec son interprétation unique, hein, et personnelle. Il disait d'ailleurs de cette chanson qu'elle ne raconte pas une histoire d'amour, mais bien la lâcheté des hommes, dont il sous-entend en faire partie lui-même, hein, d'ailleurs, dans cette chanson. Écoutons donc l'interprétation unique et personnelle de Jacques Brel et son « Ne me quitte pas ». Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps

du reggae, quelque chose d'un petit peu plus gay avec du reggae. C'est Bob Marley, évidemment le grand maître, hein, l'incontesté de ce registre avec No Woman No Cry que nous allons écouter. La chanson date de 1974 et est issue de son premier album intitulé Native Dread, sorti en 74, mais la version la plus célèbre de No Woman No Cry, c'est son live de 75 qui est la plus connue. Cette chanson raconte d'ailleurs l'enfance de Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, et ses amis Vincent Ford et Rita Anderson, qui est devenue sa femme hein, plus tard, Rita Marley donc. Et ça raconte leur histoire d'enfance, hein, à Trench Town, un quartier de Kingston, la capitale jamaïcaine, puisque Marley était jamaïcain, ainsi que sa femme d'ailleurs, et Vincent Ford. Vincent Ford qui est décédé il y a 10 ans, en 2008, à 68 ans. Et à noter que c'est Bob Marley qui aurait écrit et composé cette chanson, même si un petit mystère quand même, hein, qui plane dessus, dans la mesure où en fait les droits d'auteur de cette chanson ont été intégralement reversés à cet ami Vincent Ford pour Bob Marley voulait l'aider, hein, en quelque sorte, il voulait l'aider en sauvant sa soupe populaire pour venir en aide aux Jamaïcains. La Jamaïque est quand même un pays très très pauvre, et Marley aurait pu lui en revanche être extrêmement riche grâce à ses royalties, hein, de par le succès évidemment de sa chanson. Il a été très très riche. Il a eu quand même pas mal de sous gagnés, notamment grâce aux concerts et puis aussi aux autres albums, et ce jusqu'à son décès tragique survenu en 1981. Il avait 36 ans. La chanson No Woman No Cry est classée 37e parmi les chansons de tous les temps, hein, selon le magazine Rolling Stone, qui, je vous le rappelle, c'est Satisfaction de Rolling Stone, justement, qui est la première chanson. On en avait parlé il y a quelques semaines. Et je parlais tout à l'heure justement de la chanson de Jacques Brel qui a été adaptée en néerlandais par Jacques Brel, et une version anglaise qui existe interprétée par les plus grandes stars internationales. Et bien là, en quelque sorte, c'est l'inverse. No Woman No Cry, c'est la version en anglais originale qui a été reprise par un Français très connu également, Joe Dassin, qui a fait sa propre version, Si tu penses à moi. C'est le titre donc de No Woman No Cry. Et à noter que avant la traduction, hein, que No Woman No Cry, ça a été anglicisé par son titre. En réalité, c'est plus du jamaïcain que de l'anglais, même si ça se ressemble. C'est même du créole jamaïcain. Ça veut pas dire pas de femme, pas de larmes, hein. La traduction est fausse, puisque littéral, la vraie traduction, c'est plutôt femme ne pleure pas. No Woman No Cry, femme ne pleure pas. Et pour la traduction, le premier couplet, hein, et son refrain, je me rappelle du temps où nous nous asseyions dans la cour de Trench Town, nous regardions les hypocrites qui voulaient se joindre aux gens bien. Oh mes bons amis, mais nous nous sommes perdus le long du chemin, dans ce futur prometteur, vous ne pouvez pas oublier votre passé, alors essuyez vos larmes, et non femme, ne pleure pas, le refrain, non femme, ne pleure pas, oh ma chérie, ne verse pas de larmes, non femme, ne pleure pas. Voici donc, hein, tout simplement, en quelque sorte, la traduction de cette chanson. C'est bien évidemment No Woman No Cry sur RDL, dans le 103.5. Bonne écoute. No woman, no cry. don't shed no tears. No woman, no cry. Said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. The fire light as it was, love would burn in through the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to on through, but while I'm gone, I mean, everything's gonna be alright. Et voilà donc pour cette très très grande chanson de renommée avec No Woman No Cry. C'était Bob Marley sur RDL. Et la prochaine chanson, alors vous savez qu'au début de cette émission, on a ainsi commencé par Jacques Brel, une chanson plus triste, plus très très belle hein, également. Une chanson belle de Jacques Brel. Et là maintenant, pour les années 1980, je vous propose de nous projeter 12 ans après No Woman No Cry, en France cette fois, et un petit peu dans le même registre mélancolique, en quelque sorte, de Jacques Brel. Sauf que là, c'est pas du tout une histoire d'amour. La chanson en question que je veux parler, c'est T'en vas pas, d'Elsa, qui est sortie en 1986, le 12 octobre précisément de cette année-là. C'était en 45 tours qu'il est sorti, le succès est immédiat, si bien qu'il atteint très vite la première place du top 50 et il restera même 8 semaines. C'est le premier succès d'Elsa en tant que chanteuse. Et la chanson raconte l'histoire d'une petite fille qui supplie son père de revenir. Ce père en question, c'est l'acteur Christophe Malavoie, parce que oui, ou plutôt non, c'est pas le père biologique d'Elsa. Christophe Malavoie n'est pas le père biologique d'Elsa, puisque c'est Georges Lunghini qui est comédien et compositeur. Sa mère biologique est la sœur de Marlène Jobert. Mais en fait, Malavoie est son père dans le film La femme de ma vie de Régis Varnier, qui date donc de 1986, et Elsa y joue Héloïse, la fille de Christophe Malavoie et Jane Birkin, en plein divorce. Parce que oui, T'en vas pas, c'est à la base la bande originale d'un film. Encore une, et oui, et c'est Georges Lunghini en personne, son père donc, qui a l'idée de faire chanter sa fille. Elle y fait alors ses débuts de chanteuse après avoir été actrice depuis l'âge de 7 ans. Puis après viendront d'autres succès, dont un roman d'amitié 2 ans plus tard en 1988 qui figure dans son premier album. Aujourd'hui, elle est principalement actrice que chanteuse, mais elle fait toujours carrière alors qu'elle a commencé très très jeune, elle aussi un petit peu comme Vanessa Paradis dans ce milieu à la même époque, dans les années 1980. Une très très belle chanson, Elsa avec T'en vas pas. Sans toi. j'arrive pas à vivre sans toi. Avec la femme de ta vie, vie, vie. Papa, fais pas de conneries. Quand on s'aime, on s'en va pas. On ne part pas en pleine nuit. Nuit du matin. C'était donc Elsa sur RDL, Elsa Lungini, comme elle veut d'ailleurs qu'on l'appelle de nos jours avec ce titre « T'en va pas ». Elle date déjà, si je puis dire, eh oui, de 1986. Et après donc la chanson d'Elsa de 1986, dont je le disais justement quelque peu mélancolique, hein, surtout par rapport au reggae de Bob Marley qu'on a écouté tout à l'heure. Maintenant, on va repartir à l'étranger, si vous voulez bien, avec un groupe non plus jamaïcain, même pas américain, ni britannique, mais irlandais. Alors, il n'y en a pas 36, hein, des très très connus, je pense que vous avez très certainement deviné, c'est le groupe irlandais U2, qui en 1992 sortait leur 7e album studio, et dans ce 7e album studio, il y avait la chanson One, certainement leur plus connue. La chanson, elle, a été composée par le groupe en entier. Ils sont 4, ils étaient et ils sont toujours 4. Les paroles, quant à elles, ont été écrites par le chanteur Bono. Alors le groupe, alors, est en panne d'inspiration, hein, et puis un vrai désaccord qui se crée sur le genre musical à explorer à ce moment-là. Il y a deux membres, Bono et The Edge, c'est le guitariste du groupe, veulent faire un album plus dance, plus électro, contrairement aux deux autres qui ne sont pas du tout du même avis. Résultat, pour cette raison-là, le groupe est sur le point de se séparer, d'imploser même, lorsque The Edge compose un riff, une petite combinaison de notes, hein, pour un court intermède musical d'une autre chanson. Donc, et c'est grâce à cette combinaison de notes que leur vient la musique de One et le genre musical de l'album qui va avec le rock alternatif. Alors cette histoire, dont l'anecdote, hein, que je vous ai racontée, elle s'est déroulée à Berlin, hein, puis ensuite c'est seulement après qu'ils partent dans la capitale de leur pays d'origine, Dublin, où pour enregistrer pendant près d'un an, c'est énorme pour une seule chanson, entre octobre 1990 et septembre 1991. Évidemment, ils ont fait d'autres choses entre temps, hein, mais ils ont quand même mis tout ce laps de temps, c'est-à-dire 11 mois précisément, pour enregistrer cette chanson. Dans un sens, ils ont bien fait de prendre leur temps aussi au vu du succès, hein, planétaire de celle-ci. Alors les paroles, elles, si on les décrypte, sont assez mystérieuses. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire, quelle est l'histoire de cette chanson, mais il y a plusieurs hypothèses que j'ai trouvées, plusieurs histoires possibles. Alors je vous les donne toutes un petit peu en vrac, pardon pour ça, hein, d'ailleurs, mais où ça peut parler des tensions du groupe, hein, et de la difficulté de vivre ensemble à ce moment-là, en accord donc avec l'anecdote que je viens de vous raconter, puisque one, ça signifie un, vous l'avez compris, ne faire qu'un, donc dans cette situation. Ou c'est sur un couple qui se sépare, deuxième hypothèse pour cette chanson. Ou enfin, troisième et dernière, c'est une lettre. Cette chanson est une forme de lettre, donc, d'un père à son fils gay qui est atteint du sida, sachant que les bénéfices du single ont été reversés à une association luttant contre le sida. C'est pourquoi cette hypothèse a aussi émergé. Au fond, peut-être qu'elle est bonne, hein. C'est tout à fait plausible si on traduit les paroles. Je vais vous traduire, hein. Traduisons ensemble les paroles du premier couplet et ensuite du refrain. Ça commence par « Is it getting better or do you feel the same ?»« Cela va-t-il mieux ou ressens-tu la même chose ?»« Cela sera-t-il plus facile pour toi maintenant que tu as quelqu'un à blâmer ?» Tu dis « un seul amour, une seule vie, quand il n'y a qu'un seul besoin ». Dans la nuit, c'est un seul amour. Nous devons le partager. Il te quittera si tu n'en prends pas soin. Refrain. T'ai-je déçu ou laisse un goût amer dans la bouche? Tu agis comme si tu n'avais jamais reçu d'amour et tu veux que je parte sans amour. Voici donc la traduction donc du premier couplet et du refrain. À noter avant d'écouter cette chanson et d'écouter la suite des paroles en anglais, cette fois, qu'il existe 4 clips officiels de cette chanson. Un où on ne voit pas le groupe du tout. Un en duo avec une chanteuse, la chanteuse R&B Mary J. Blige, avec qui le groupe a repris cette chanson en duo en 2005. Une version très connue également, qui a bien marché en 2005. Mais c'est évidemment la version originale. Rien ne vaut mieux la version originale de One, de U2, qui date quand même déjà, eh oui, de 1992, c'était il y a 26 ans. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Raise the dead. C'était 1 sur RTL, YouTube avec One sur le 103.5. La chanson date de 1992 et on va sans plus attendre continuer avec la chanson anglaise de la part d'une chanteuse américaine cette fois et on va se replonger 16 ans plus tard. Et la chanteuse américaine en question, eh bien, c'est Lady Gaga qui en 2009 et lui chantait Bad Romance. Alors, la chanson est sortie en single en octobre 2009, issue de l'album The Fame Monster, son deuxième hein, qui est sorti lui en novembre 2009. Et The Fame Monster, ça veut dire un célèbre monstre, hein, littéralement, en anglais. Sauf que il faut pas le prendre au premier degré comme un véritable monstre, hein, comme quand on était tout petit, par exemple, ou ce genre de choses. Il faut le prendre plutôt comme une métaphore, en fait. C'était pour elle une métaphore pour aborder ses grandes peurs, principalement liées à la célébrité. Le premier album a très bien marché, donc forcément, elle a effectué une très très grande tournée, donc du coup, le deuxième album, elle avait pu y disséminer de nombreux titres et ses pensées là-dessus, c'était tout nouveau pour elle. Une piste de l'album équivaut à une grande peur, et celle de Bad Romance, mauvaise romance, littéralement en anglais, c'est facile à traduire, eh bien, c'est tout simplement l'amour. Eh oui, une histoire d'amour avec son meilleur ami, une espèce de mauvaise romance où plusieurs éléments sont évoqués dans les paroles. Il y a l'amour, évidemment, mais il y a aussi la vengeance, la haine, la maladie, etc., etc. Alors, la chanson est écrite comme le reste de l'album, d'ailleurs, pendant la première tournée de la chanteuse début 2009, par la chanteuse elle-même, hein, c'est elle qui a écrit les paroles. Elle a écrit ses paroles dans l'autobus, en Norvège, lorsqu'elle y donnait un concert. Elle est allée ensuite en Russie, puis en Allemagne, et elle s'est inspirée de la techno house allemande également. Elle voulait quelque chose d'un petit peu plus 90s, un petit peu plus années 90, après avoir exploré dans son premier album plutôt les sons 80s hein, des années 80, qu'elle a mélangé à ceux de l'époque d'il y a 10 ans, en 2008-2009, hein, date à laquelle l'album est sorti. Alors, deux anecdotes que je trouve assez particulièrement savoureuses, c'est que déjà, dans un premier temps, vous allez reconnaître trois vers en français, et oui, donc elle dit beaucoup d'ailleurs la traduction en anglais, elle dit beaucoup en anglais dans le titre I want your love and I want your revenge, I want your love, et elle traduit, elle fait même la traduction en français pour nous, c'est pratique vers la fin de la chanson, je veux ton amour et je veux ta revanche, je veux ton amour, avec un accent je trouve très glamour, très joli, très sexy, qui est l'exact opposé du mien quand je parle anglais d'ailleurs, oui. Elle a hérité de quelque chose que je n'ai pas. Alors, la seconde anecdote également, il n'y a pas que sur l'accent d'ailleurs hein, qu'elle a hérité de choses que je n'ai pas. Mais la seconde anecdote, eh bien, c'est qu'il y a une référence en anglais, cette fois, au film d'Alfred Hitchcock dans le second couplet. Vous allez peut-être reconnaître la partie « I want your psycho, your vertigo stick »,« Je veux ta psychose, tes sueurs froides, te veux dans ma fenêtre sur cour », évidemment, trois titres de films du grand cinéaste, vous les aurez reconnus. La chanson a été interprétée pour la première fois en France, et oui, c'est une exclusivité mondiale, lors du défilé parisien d'Alexander McQueen le 6 octobre 2009, et pour la traduction quand même, histoire de se faire une idée de la chanson, je vais vous traduire le couplet puis le pré-refrain, c'est les toutes premières paroles hein, que vous allez entendre de la chanson. « Je veux ta laideur, je veux ta maladie, je te veux tout entier, tant que c'est gratuit, je veux ton amour, amour, amour, amour, je veux ton amour. Je veux ta tragédie, la caresse de ta main, je veux ton dur baiser de cuir dans le sable, je veux ton amour, amour, amour, amour, je veux ton amour, amour, amour, amour, je veux ton amour. » C'est répétitif quand même. Hein. Le pré-refrain, tu sais que j'ai envie de toi et tu sais que j'ai besoin de toi, je meurs d'envie de ta mauvaise romance, et c'est ainsi que la chanson débute. Et pour connaître la suite des paroles, eh bien, il faut tout simplement se brancher sur RDL et écouter Bad Romance de Lady Gaga sur le 103.5. Love, love, love, I want your love. je donne amour. Bad romance, Lady Gaga, mauvaise romance ou mauvaise liaison, pourrait-on traduire, les deux traductions sont valables, je dirais, de cette chanson de Lady Gaga qui est sortie il y a quasiment 10 ans, 9 particulièrement, c'était en 2009. La chanson, elle, a également été écrite et composée en 2009. Et pour la traduction du second couplet, après le premier et le pré-refrain que j'ai fait tout à l'heure, je veux ton horreur, je veux ta créativité, car tu es un criminel aussi longtemps que tu sera à moi, je veux ton amour, amour, amour, amour, je veux ton amour, je veux, donc c'est là le I want your psycho, your vertigo stick, dont je disais tout à l'heure, hein, les références à Alfred Hitchcock, je veux ta psychose, tes sueurs froides, te veux dans ma fenêtre sur cour, quand ton bébé est malade, je veux ton amour, je veux ton amour. Et après, voilà. Et après, voilà donc pour ce titre donc de Lady Gaga, c'était de 2009. On va passer quelques années plus tard, cette fois, 5 ans, si je calcule bien, oui, ça, 5 ans, 2014 précisément, pourtant c'est le matin, donc j'ai pas tellement d'excuses d'être mauvais en calcul mental, encore que matin, midi et soir, je suis très mauvais en calcul mental, mais en tout cas, effectivement, on va ainsi se projeter 5 ans plus tard, et avec une chanson française, on va passer de Lady Gaga à Vianney. La chanson, c'est la plus célèbre de Vianney, c'est en même temps sa première, même si on a eu énormément d'autres de succès. C'est pas là, évidemment, qui est sorti en 2014. Par contre, le succès réel de ce titre date, lui, de 2015. L'auteur-compositeur de cette chanson, c'est le même que l'interprète, c'est Vianney de son vrai nom, Vianney Bureau. Il a écrit en 2011 à Londres, dans sa petite chambre d'étudiant, puisque pour une rapide biographie de Vianney, il a passé son bac au lycée militaire Saint-Cyr, puis une grande école de commerce, le Tout à Paris, de 2009 à 2012. Il a terminé son bachelor à Londres. Il a fait une grande école de stylisme, ensuite à Paris, également la plus ancienne au monde. Au passage, il en sort diplômé en juin 2014. Et lors de sa dernière année de stylisme, eh bien, c'est là qu'il prépare son premier album et c'est là que sa carrière de chanteur commence en 2014. Il va donc être styliste à la base, c'est un petit peu logique quand on fait une grande école de stylisme, mais en parallèle, il écrit et il compose des chansons depuis l'âge de 12 ans. Mais il n'avait jamais vraiment envisagé, en fait, en faire son métier. Et c'est une rupture sentimentale, hein, qui a déclenché la composition de cette chanson qui exprime le manque de Vianney de ne plus voir sa petite amie de l'époque, hein, qui a rompu avec lui. Et c'est une femme qui deviendra par la suite sa manageuse, Isabelle Vaudet, de son nom, qui en fait l'encourage à faire connaître ses chansons au grand public. Il chantait principalement dans sa chambre d'étudiant, jamais véritablement en public. Elle le présente à celui qui va réaliser le premier album de Vianney, intitulé Idée Blanche, au passage, dont est issu le titre. L'album sera enregistré en Auvergne pendant 2 semaines à l'été 2013, entre donc les années entre sa première et deuxième année, je crois que c'est que sur 2 ans de l'école de stylisme, hein, donc de ses études de stylisme. Et Vianney signe dans le label Tôt ou Tard, qui commercialisera son album au succès fulgurant. Pas là, c'est pas le premier, mais c'est le deuxième single de l'album et son premier vrai succès. Et à noter que la jeune femme dont il parle dans la chanson, d'ailleurs, s'est reconnue. Elle l'a très très bien pris, à tel point qu'elle a recontacté. Ils sont plus amoureux aujourd'hui, mais ils sont devenus amis. Une très belle histoire qui pourrait être résumée dans cette chanson de 3 minutes qui aurait pu passer inaperçue au fond, mais qui a été un véritable succès, tout comme l'artiste d'ailleurs, qui est un très grand chanteur, très connu, puisque la preuve, 4 ans plus tard, eh bien, il est encore parmi les plus grands vendeurs de disques et il est toujours au sommet et en haut de l'affiche. Vianney sur RDL avec Pala. suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée depuis toi desséché. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse, où j'ai trouvé ta main, bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier, et mon cou tu l'as tordu. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Des nuits d'ivoire sur sa jetée en doigt, si les tiennes sont moi. T'en veux pas, t'y vas la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Soyons la ruche, la ruche d'un futur en fait. Vianney sur RDL avec sa chanson Pas là, le premier grand succès de Vianney. Et puis 4 ans plus tard, eh bien, je le disais tout à l'heure juste avant de lancer la chanson, il est encore là avec notamment la chanson La Même en duo avec Maître Gims. Pour ceux qui ont écouté la toute première émission, c'était la dernière chanson de mémoire que j'ai passée donc dans cette émission-là, La Même. Donc je l'avais déjà passée. On avait déjà écouté effectivement du Vianney dans cette émission musique, mais je n'avais pas non plus décortiqué la chanson, je n'avais pas non plus expliqué l'origine de celle-ci. En tout cas, il était le coparolier et le compositeur avec Maître Gims d'ailleurs de La Même. Et puis il a sorti 2 albums, Idées Blanches, donc en 2014, j'en ai parlé, un album intitulé Vianney tout simplement, qui a mieux marché d'ailleurs que le premier, hein, 500 000 exemplaires vendus. Il y a Dumbo notamment dans ce deuxième album, et Je m'en vais évidemment, la célèbre chanson. Et puis il a aussi écrit et ou composé des chansons pour d'autres personnes, que ce soit pour Céline Dion, Ma Force dans l'album Encore un soir, son dernier album en français, mais aussi pour Oublier, il est auteur et compositeur de cette chanson, pour Kenji Girac, mais aussi pour Joy Jonathan, il est le coparolier, le compositeur et même le chanteur en duo sur le titre Les filles d'aujourd'hui. C'est effectivement Vianney et Joy Jonathan. Et Joy Jonathan, justement, ça nous fait une parfaite transition puisque c'est d'elle que nous allons écouter son dernier titre. Elle sort un tout nouvel album très prochainement, ce sera son 4e album, et dans ce 4e album, eh bien, il y a toujours d'ailleurs la chanson On que nous allons découvrir immédiatement, c'est Joe et Jonathan sur RDL. Vous allez peut-être redécouvrir cette chanson si vous l'avez vue. Elle a fait quelques plateaux télé avec cette chanson depuis le temps quand même qu'elle est sortie. Elle est sortie au mois de mai. Ou bien vous allez la découvrir pour la première fois sur les ondes de RDL. C'est plus très bien. Pourquoi on joue? On se laisse, on se lasse, on abandonne vite à la surface. Et quand tout dégringole, on se carapace. Je tape plus fort et je passe à tabac tous mes remords. Sans abîmer personne, et je branche tout sur on, and on, and on, and on, and on. J'tape plus fort quand au fond de la poitrine ça cogne. Je prendrai soin de n'abîmer personne, et je branche tout sur on, and on, and on, and on, and on. On se barre, on se marre, on s'égare en chemin. On Jonathan avec On sur RDL, son tout nouveau titre. À noter d'ailleurs que Jonathan a d'ailleurs repris la chanson T'en va pas d'Elsa qu'on a écouté tout à l'heure, la chanson des années 1980 de cette émission. C'était dans l'album Les Enfants du Top 50 et c'était en 2014. Et pour nous quitter, juste avant de nous quitter, on va quand même pas se quitter comme ça, on va évidemment, il faut trouver, on va dire, un petit peu la chanson adéquate en quelque sorte. Eh bien, je pense l'avoir, cette chanson adéquate, et pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, parce que nous allons rêver, la chanson s'appelle Un peu de rêve, et oui, elle est sortie cette année, et elle est issue du nouvel album de Vita, intitulé J4M, il est sorti en 2017, la chanson, elle, en revanche, est sortie en single en 2018, elle est devenue célèbre grâce à la radio, dont RDL, d'ailleurs, en fait partie, puisqu'avant, on ne savait même pas qu'elle existait avant qu'elle ne sorte en single, et ce Un peu de rêve, tellement beau et puis en même temps tellement vrai dans les paroles, sont interprétés par Vita, je le disais, mais aussi en duo avec Claudio Capeo. Et ce sont, il faut le savoir, mais ça je suis sûr que vous le savez, ce sont deux artistes alsaciens. Et j'irai même plus loin, ce sont deux artistes orinois, puisque Claudio Capeo, lui, est né à Cernay, il y revient très régulièrement pour voir sa famille. Et Vita, elle est née à Mulhouse. Donc ce sont deux Orinois, deux Alsaciens qui chantent un peu de rêve. En même temps, ça tombe bien, on est sur RDL, c'est une radio locale, orinoise et donc alsacienne. Voici donc un peu de rêve sur RDL. Comme on se couche, on se lève, regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves, ils le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève, le mal est dans les traits. Les petits préparent la relève, pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement sale, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi du pense en c'est lequel. Qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement sale, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Et qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Tant mieux pour toucher nos rêves. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement sale, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Chercher la paix, le bonheur. Quitter l'enfer. Ici j'ai peur. Je cherche la paix, le bonheur. Nanana. Nanana. Je cherche la paix, le bonheur. Quitter l'enfer. Ici j'ai peur. Je cherche la paix, le bonheur. Nanana. Nanana. C'était Vita et Claudio Capeo avec un peu de rêve. C'était vital, sans mauvais jeu de mots justement, de nous d'écouter ensemble donc cette chanson par les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Et c'est donc avec cette chanson un peu de rêve de Claudio Capeo et Vita que nous nous quittons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que cette émission, comme toutes les autres, hein, toutes les précédentes d'ailleurs, vous ont plu. J'espère que vous avez là aussi appris des choses. Vous êtes bien sur RDL. Surtout, restez avec nous, la programmation continue. Je vous souhaite un excellent mercredi, une bonne fin de journée et puis une bonne fin de semaine quand même, puisque demain c'est déjà jeudi, on s'approche quand même de la fin de la semaine, même si on est quand même au milieu de semaine, parce qu'il est que 11h hein, sur RDL, sur le 103.5. Je vous souhaite encore une fois une excellente journée et surtout soyez heureux. À la semaine prochaine, mercredi, 10h, 11h sur RDL. pour musique. Excellente journée à tous, à bientôt.